Edith Piaf. If you know to play. Ils sont cons. Mais bon, je sais que tu sais. Ouais, mais sur le funk, je sais pas chanter. Sur la bossa, je peux essayer. Bossa ou jazz. If after all this years of light, hello, Vio, how are you? Eh ben, c'était bien ça. Pourquoi tu t'arrêtes?